Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين شرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين العمياء وآذانا صم وقلوب الخلفاء. أما بعد. Nous avions commencé à parler hier de la situation religieuse chez les Arabes de la péninsule et tout particulièrement des lieux saints de la Mecque qui constituaient le centre religieux des Arabes. Nous avions de même évoqué rapidement les causes par lesquelles le polythéisme et l'idolâtrie sont apparus chez eux, bien que ces derniers, c'est-à-dire les Arabes, se réclamaient de la religion d'Ibrahim alayhi salat wa salam. Nous avons aussi évoqué leur croyance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le reconnaissaient comme le créateur de toutes choses, le roi et le souverain des cieux et de la terre, celui qui protège et n'a nul besoin d'être protégé, celui qui fait vivre et mourir. Ils lui reconnaissaient aussi certains noms et attributs comme Al-Aziz, Al-Alim, comme cité dans le verset suivant, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Dans la sourate 43, le verset numéro 9. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, Al-Aziz, l'omniscient, Al-Alim les a créés. Preuve qu'ils reconnaissaient ces deux noms et ces deux attributs à Allah Jalla wa'ala. Ils consultaient aussi, en parallèle, les devins, les astrologues, les sorciers, et ils s'adonnaient bien sûr à l'idolâtrie en demandant l'intercession de ces idoles afin qu'elles intercèdent en leur faveur auprès d'Allah Tabaraka wa ta'ala, ou alors ils cherchaient à se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de ces idoles. Deux choses qui nous sont rappelées à maintes reprises dans le Coran. Nous allons voir quelles furent leurs différentes pratiques religieuses qui découlèrent de leurs croyances. Les Arabes de l'époque pré-islamique avaient des rites et des cérémonies protocolaires dans le culte des idoles dont la plupart furent instaurées par Amr ibn Luhay al-Khuzai. Rappelez-vous, c'était le chef de la Mecque à son époque, des Bani Khuzaa. Et c'est lui le premier qui a ramené l'idolâtrie à la Mecque après les enseignements de Ismaïl alayhi salat wa salam sur le tawhid. Les Arabes pensaient que les idoles ramenées par Amr ibn Luhay entraient dans le cadre d'une innovation positive, bid'a hasana. Et ils n'y voyaient pas une falsification ou une dénaturation de la religion d'Ibrahim alayhi salat wa salam. Les modalités du cérémonial de leur culte des idoles comportaient plusieurs aspects. Premièrement, ils s'attachaient à elles, ils recouraient, les interpellaient, cherchaient leur protection dans les moments difficiles, les invoquaient pour leurs besoins, les créditant d'un pouvoir d'intercession auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, croyant aussi qu'elles pouvaient leur faire obtenir ce qu'ils voulaient. Autant de formes de shirk qui ont été condamnées par l'islam dès la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, ils y allaient en pèlerinage, faisaient la circumambulation, c'est-à-dire la procession ou le tawaf autour de ces idoles. Ils s'humiliaient auprès d'elles et se prosternaient devant elles. Troisièmement, ils leur adressaient diverses offrandes, immolaient et égorgeaient pour elles et en leur nom. D'ailleurs, ces deux formes de pratique sont rappelées par le Coran et condamnées. Allah dit tabaraka wa ta'ala, « وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ » Sourate numéro 5, le verset numéro 3, vous est interdite aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées. c'est-à-dire à l'occasion des cérémoniales et des sacrifices adressés aux idoles. Et aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Sourate numéro 6, le verset 121. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car cela est certes une perversité, c'est-à-dire une désobéissance flagrante. Certains savants ont dit que c'est un acte de kufr, c'est une mécréance. À un autre niveau, les gens, pour se rapprocher des idoles, leur réservaient, selon leurs appréciations, une partie de leur nourriture et de leur boisson. De même, ils leur consacraient une partie de leur récolte et de leur bétail. Ce qui est curieux à cet égard, c'est qu'ils réservaient aussi une partie à Allah tabaraka wa ta'ala. Chose étonnante puisque Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a tout créé. Et ils reconnaissaient cela d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certaines raisons les poussaient souvent à offrir aux idoles ce qui était pour Allah, c'est-à-dire la part qu'ils avaient prédestinée pour Allah initialement, mais jamais ils n'offraient à Allah ce qui était initialement prévu pour les idoles. Et Allah nous dit, ou nous rappelle ceci dans le Coran, en soulignant leur injustice et leur partialité. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Sourate 6, le verset 136. Et ils assignent à Allah une part de ce que lui-même a créé, en fait de récolte et de bestiaux. Ils disent, ceci est à Allah, cela selon leur prétention, et ceci revient à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. C'est-à-dire qu'ils assignaient des parts pour Allah, des parts pour leurs idoles, et parfois, même souvent, ils prenaient la part qui était réservée pour Allah, parmi le bétail et les terres et les récoltes, et ils l'attribuaient à leurs idoles. Allah ici, tabaraka wa ta'ala, nous rappelle ce verset pour montrer la bêtise et l'injustice et la partialité évidente de ces gens-là, même dans leur égarement et dans leur mécréance. Une autre forme de se rapprocher des idoles était le fait de considérer comme interdit et tabou certaines récoltes et certains bestiaux. À ce sujet, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. Sourate 6, verset 138. Et ils dirent, voici des bestiaux et des champs frappés d'interdiction, c'est-à-dire que personne n'a le droit d'y toucher ou de les consommer. N'en mangeront que ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et voilà des bêtes dont le dos est tabou, est interdit, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah, des inventions contre lui. Tout ceci sont des mensonges forgés contre Allah, tabaraka wa ta'ala, puisqu'Allah n'a pas légiféré cela. Parmi justement ces bêtes qu'ils avaient rendues interdites à la consommation, ou réservées aux hommes en dehors des femmes, il y avait ce qu'a cité le Coran, al-bahira, al-sa'iba, al-wasila, wal-had. Selon Ishaq, rahimallah, tabaraka wa ta'ala, al-bahira est la petite chamelle de al-sa'iba. Celle-ci est la chamelle qui, ayant produit 10 femelles successives, ayant enfanté 10 femelles successives, elle est libérée de telle sorte que personne ne l'enfourche, tond ses poils, boit de son lait, exception faite des invités. Si après cela elle produit une autre femelle, on fend les oreilles à celle-là avant de la laisser suivre sa mère, la sahiba. Et personne ne doit enfourcher, c'est-à-dire monter à dos de cette jeune chamelle. Non plus, on ne la tond pas. Et son lait est pour les hôtes, les invités, comme c'est le cas de sa mère. Une telle chamelle est appelée Al-Bahira, qui est la petite de Al-Sa'iba. Al-Wasila est la brebis ayant mis au monde 10 jumeaux femelles, et cela en 5 grossesses successives. C'est-à-dire qu'à chaque grossesse, il y a 2 agneaux. Si c'est 10 agneaux en 5 grossesses sont des femelles, alors cette brebis qui a enfanté et qui a mis bas est appelée Al-Wasila. Donc les autres petits que mettait au monde une telle brebis étaient pour les hommes, à l'exclusion de toute femme. Toutefois, s'il en mourait, les hommes comme les femmes avaient le droit d'en manger. Enfin, le Hami, c'est l'étalon parmi les camélidés, c'est-à-dire les dromadaires, les chameaux, qui, ayant été père de 10 femelles successives, se voit marqué au dos par une brûlure. Personne ne le tondait, ni ne l'enfourchait, on le laissait parmi les chameaux à des fins de croisement, et c'était là sa seule utilité. À cet égard, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle cela, et nous dit, ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Sourate 5, verset 103. Allah n'a pas institué al-bahira, wa-sa'iba, wa-l-wasila, wa-l-ham, ces quatre catégories. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et ils ont dit aussi, وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا. La surat 6, le verset 139. Et ils dirent, ce qui est dans leur ventre, ou ce qui est dans le ventre de ces bêtes, est réservé aux hommes parmi nous et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, alors ils y participeront tous. C'est-à-dire que chacun des hommes et des femmes pourra en tirer profit. Au-delà des divergences des savants quant au sens de ces termes, Bahira, Wasaiba, Walwasila, Walhami, il en ressort une chose sur laquelle ils sont unanimes. Les Arabes ont légiféré en matière de religion sans qu'Allah ne leur en donne la permission. C'est ce que l'on appelle une innovation religieuse. Bid'atun fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Ni Ibrahim, ni Ismaïl alayhim assalam n'ont institué cela. Ce ne sont que des mensonges forgés à l'encontre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa religion. Et c'est pour cette raison qu'Allah conclura en disant de tout cela, Sayajzihim bima kanu yaftarun. La sourate 6, le verset 138. Et il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui est un des plus savants parmi les tabi'in, déclara que ces bêtes étaient pour leurs idoles et leurs faux dieux. Un hadith authentique directement rapporté du prophète, alayhi salatu wa salam, montre aussi que Amr ibn al-Luhay, l'instigateur de tout ça, fut le premier à développer de telles pratiques. D'ailleurs, le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, comme ceci est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, sous le numéro 1221, d'après le hadith de Aïcha, وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَ بْنَ لُحَيِّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ. J'ai vu dans l'enfer Amr ibn Luhay, c'est lui le premier à avoir institué السَّوَائِب. Qu'est-ce que السَّوَائِب? السَّوَائِب, السَّائِبَ, c'est une bête que l'on laissait sans la toucher. On ne profitait ni de son lait, ni de son dos, ni de sa fourrure, ni de sa viande. Elle était libre, c'est-à-dire il la laissait vivre toute seule. Les Arabes faisaient cela pour leurs idoles, parfois sous forme de vœux. Ils prononçaient un vœu pour leur idole en disant « Oh Hubal, oh toi l'Uzza, oh toi Allat, si tu me donnes cela, alors je laisserai telle chamelle à l'abandon et je n'en profiterai point. » Et si il leur arrivait par le décret d'Allah tabarak wa ta'ala ce qu'ils avaient demandé, ils accomplissaient leurs vœux et délaissaient cette chamelle. Elle était sa'iba, c'est-à-dire délaissée, matrouka. Donc les Arabes faisaient tout cela pour leurs idoles, parfois sous forme de vœux, croyant que celles-ci pouvaient les rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala, les faire parvenir à lui et intercéder auprès de lui. Comme le montre le verset suivant, « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa » Surat 39, le verset numéro 3. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Voilà la raison pour laquelle ils les adoraient et par laquelle ils se sont justifiés auprès du prophète, alayhi wasallam, un peu plus tard. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Comme pour te donner bonne conscience. Et aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. La sourate 10, verset 18. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et disent, ceux-ci, en parlant de leurs idoles, sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Une autre pratique courante chez eux est tout aussi contestable est la consultation du sort par les azlam, les flèches divinatoires, à savoir des baguettes non couvertes de plumage. Il y avait plusieurs sortes de azlam. On trouvait celle où il y avait marqué dessus « na'am », qui veut dire « oui ». Une autre où il y avait marqué « la », c'est-à-dire « non ». Et une troisième où il y avait marqué « la shay », c'est-à-dire « rien, neutre ». Les gens se référaient à ces azlam, à ces flèches divinatoires, pour tout ce qu'ils voulaient entreprendre. Voyage, mariage et autres. Si, lors de la consultation du sort, il sortait oui, l'action était à faire. Mais si il sortait non, il leur revenait de différer jusqu'à la prochaine consultation l'année suivante. La sortie de neutre les portait à recommencer l'opération. Il y avait une deuxième sorte de flèche divinatoire. Lorsque les gens doutaient de la généalogie de quelqu'un, ils l'amenaient chez Hubal, cette fameuse idole rapportée par Amr ibn Ruhay, qui est une des quatre idoles principales des Arabes, et ils ramenaient avec eux 100 chameaux. Et ces 100 chameaux, ils les donnaient à celui qui était chargé de lancer des flèches et de consulter le sort. Il y avait trois inscriptions, ou trois flèches différentes. La première, « Minkum », c'est-à-dire « venant de vous », signifiait que l'homme était des leurs. La deuxième était « Mulsaq », c'est-à-dire « rattaché à vous », qui montrait que l'homme était un de leurs alliés. Et en fait, il y avait une troisième, « Min ghayrikum », celui-là n'est pas de vous. Ça voulait dire que l'homme n'avait chez eux ni généalogie, ni postérité. Par ce procédé, les gens pensaient savoir si tel ou tel faisait partie de leur lignée ou de leur tribu. Cette pratique proche du jeu de hasard n'est rien d'autre qu'une forme de pari par laquelle ils se partageaient du reste la chair de ce qu'ils égorgeaient parmi ces 100 chameaux. Tout ceci aussi a été interdit par Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci relève, bien sûr, du polythéisme majeur. Dans ce même cadre, ils accrochaient des talons de lapin et restaient pessimistes à l'égard de certains jours, de certains mois, de certains animaux, de certaines demeures ou de certaines femmes. Telles étaient les pratiques des gens de l'époque anti-islamique, chez qui on retrouvait aussi des traces de la religion d'Ibrahim, comme la vénération de la Kaaba, le tawaf, c'est-à-dire la procession autour de la Kaaba, le pèlerinage, la umra, le petit pèlerinage, la présence à Arafat, à Muzdalifa. Tout ceci, ils l'héritèrent de la religion d'Ibrahim a.s. Toutes ces pratiques furent confirmées par la suite par le prophète Mohammed a.s. jusqu'à nos jours. Mais au-delà de ces pratiques qu'ils héritèrent de Ibrahim et d'Ismaïl, ils innovèrent et rajoutèrent plusieurs choses qu'Allah n'avait pas instituées, qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas légiférées et que ni Ibrahim ni Ismaïl n'avaient pratiquées. Dans ce même cadre, les Quraïchites, et je dirais même plus Al-Adnaniyin, les descendants de Adnan, descendants d'Ismaïl, disaient « Nous sommes les descendants d'Ibrahim, a.s., les gardiens du Haram, les gardiens de la Kaaba, ceux qui habitent la Mecque, les autres Arabes n'ont pas les mêmes droits et le même rang que nous. » Et on les surnommait Al-Khums. Al-Khums, c'est-à-dire ceux qui sont intransigeants sur leur religion, qui font preuve d'un excès de zèle, jusqu'à se rendre difficile des choses qui, à la base, étaient relativement faciles à appliquer. Al-Khams, ça vient de l'Hamas, qui veut dire l'ardeur. Il disait aussi, il ne convient pas que nous sortions du haram. Le haram, en fait, c'est le territoire sacré de la Mecque. À notre époque, actuellement, il est délimité par des poteaux indicateurs. Attention, le haram, ce n'est pas la mosquée du haram. La mosquée du haram n'est qu'une infime partie du haram. Le haram est une zone beaucoup plus vaste et plus grande, tout autour de la Mecque. Ces gens-là, les Hubs, sont des tribus issues de Quraysh, de Kinana, des Qais Aylan, tous descendants de Adnan, disaient « Il ne convient pas que nous sortions du haram pour aller vers le Hind. » Le Hind, en fait, c'est la zone à l'extérieur du haram. Or, pour avoir dit cela, il n'allait jamais à Arafat. Car Arafat est en dehors des limites sacrées du haram. Ni ne déferlait par ce lieu. Mais plutôt, lorsqu'il voulait déferler, il partait de Muzdalifa vers Mina, directement. Muzdalifa se trouve dans les limites sacrées de la Mecque. C'est pour ceci qu'Allah dira tabarak wa ta'ala dans la sourate numéro 2, le verset 199, ثم أفيض من حيث أفاض الناس. Ensuite, déferler par où déferlent les gens. C'est-à-dire de Arafat vers Muzdalifa. Bien que Arafat ne soit pas dans le territoire sacré de la Mecque, mais Allah tabarak wa ta'ala nous demande, lors du pèlerinage, de stationner à Arafat le 9e jour, puis de déferler de Arafat vers Muzdalifa. Il disait aussi, il n'est pas indiqué pour les Khums en état de sacralité de consommer du lait ou du beurre. C'est-à-dire qu'ils s'interdisaient des choses qu'Allah ne leur a pas interdites. En état de sacralité, les boissons et les nourritures sont licites, de ce que Allah tabarak wa ta'ala a rendu licite. Eux s'interdisaient de consommer le lait et le beurre. Ils ne doivent pas non plus accéder à une maison faite de poils de bêtes. Pour se protéger du soleil, ils ne peuvent se réfugier que dans des maisons faites de peaux. À Mina, ils n'ont pas le droit de se mettre à l'ombre. Il disait aussi, il ne convient pas que les gens du Hil, c'est-à-dire les gens qui habitent en dehors du territoire sacré de la Mecque, qui sont venus au pèlerinage ou à la Umra, il ne convient pas qu'ils consomment une nourriture qu'ils ont apportée avec eux du Hil. De même, ils ordonnaient à ces derniers de ne faire le tawaf autour de la Kaaba, c'est-à-dire la procession autour de la Kaaba, la circumambulation autour de la Kaaba, qu'en vêtements de Hums, s'ils le faisaient pour la première fois. À défaut, si les hommes ne trouvaient pas de vêtements de Hums, alors ils devaient faire le tour nu. Quant aux femmes, elles enlevaient tous leurs vêtements à l'exception d'un lambeau dans lequel elles faisaient la circumambulation ou la circumambulation en disant « Al-Yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu » Aujourd'hui, il en apparaît une partie ou le tout, et ce qui en paraît reste illicite. Regardez un petit peu la bêtise qu'ils ont atteint lorsqu'ils ont innové dans la religion d'Allah, tabarak wa ta'ala, à faire des pratiques jusqu'à tourner autour de la Kaaba nue. À cet effet, Allah, tabarak wa ta'ala, nous dira « Ya bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin » Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez vos vêtements et vos parures. La sourate numéro 7, le verset 31. Et si quelqu'un faisait le tawaf dans les vêtements qu'il a apportés du Hil, il devait les jeter après celui-ci et personne d'autre ne devait s'en servir. C'est un fait aussi que les Quraysh, après l'état de sacralisation, n'accédaient pas à leur maison en passant par les entrées faites par derrière, pensant que ceci était un acte de bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala toutefois leur interdit cette pratique. قال الله جل وعلا وليس البغر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البغر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. La sourate numéro 2, le verset 189. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes. Ceci est venu annihiler et invalider et rendre caduque une pratique qu'ils avaient inventée dans la Jahiliya. Voici donc un bref aperçu des adorations et pratiques religieuses des Arabes qui découlent toutes d'une croyance fausse et corrompue. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, de revenir sur cela à travers les différents épisodes de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlerons demain, et ce sera le dernier volet de la situation religieuse dans la péninsule arabique chez les Arabes de l'époque préislamique. Nous parlerons des autres religions